secret d'État explosif. 7000 pages qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche. Deux journalistes prêts à tout pour la vérité. C'est légal, ça ? Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers, publier ou se taire. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ? Pentagon Papers, le film événement de Steven Spielberg, actuellement au cinéma. Un film Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le vendredi 9 février s'ouvriront à Pyeongchang en Corée du Sud les 23e Jeux Olympiques d'hiver dont vous pourrez suivre bien sûr les grandes heures sur Europe 1. Et c'est dans cette perspective que Franck Ferrand nous parle aujourd'hui des JO d'hiver de Grenoble. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avez mis votre maillot rouge aujourd'hui. Les Jeux de Grenoble ont été inaugurés il y a 50 ans par le général de Gaulle. C'était le 6 février 1968 et pour en parler, nous avons eu recours à l'une des grandes voix du sport en France. Jean-Paul Olivier, qui me fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Et nous serons aussi au téléphone avec Nelson Montfort et avec celui qui a allumé la flamme des Jeux Olympiques, Alain Calma. Mais quelle affiche ! Vous imaginez ça ? Allez, chaussez vos patins, moi j'ai déjà mes skis aux pieds. Il est possible que les exploits sportifs ne changent pas le cours de l'histoire, quoique, il arrive en tout cas qu'ils suspendent le temps pendant un moment. Quand soudain un athlète transcende sa discipline, quand il en repousse les limites, ce sont des millions d'inconnus qu'il touche au cœur. Et que l'on soit aux premières loges ou derrière, ou de, plutôt devant son poste de télévision, on sait et qu'on pourra dire « je l'ai vécu cet instant-là ». Et même d'une façon mystérieuse, on pourrait presque dire « j'y ai participé ». Tous ceux qui, enfants ou déjà adultes, ont assisté aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, peuvent témoigner de ce sentiment. 50 ans après, ils partagent toujours un trésor en commun, le souvenir d'émotions. Des émotions ineffaçables, une fierté particulière aussi pour les Français d'avoir accueilli cette compétition de prestige tellement riche en événements et qui s'était passée d'une façon aussi exemplaire. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Paul Olivier. Le défi était grand pour la France du général de Gaulle. D'abord, il a fallu convaincre le Comité international olympique de l'opportunité d'organiser les Jeux en France. Ça, d'accord. Il y a eu, on peut dire que l'aventure grenobloise s'inscrit dans toute une histoire. Il y avait eu une déception puisqu'en 63, Lyon était candidate à l'organisation des Jeux d'été de 68 et Lyon avait essuyé un cinglant revers. Lors du vote de désignation, elle n'arrive que troisième avec presque trois fois moins de voix que la ville choisie qui était Mexico cette année-là. Dès lors, cet échec a laissé toute la place nécessaire à la candidature de Grenoble pour les Jeux d'hiver, ce qui ne veut pas dire que cette candidature ait été pour autant tellement facile à défendre. Début 64, la capitale du Dauphiné ne l'emporte que de peu, après plusieurs jours de scrutin, et le challenger, si j'ose dire, c'était Calgary au Canada. Dès lors, la tâche s'annonce difficile et même, disons-le, pharaonique. C'est vrai que Grenoble est une ville importante, mais c'est une ville excentrée qui paraît loin à l'époque d'être en état de recevoir une Olympiade. Éric Monin raconte « Les moyens de communication, les routes, le chemin de fer sont dépassés. Le réseau téléphonique n'est pas totalement développé. Grenoble devient une affaire d'État. Georges Pompidou a justifié la volonté du gouvernement en déclarant « Il y avait là une occasion unique de développer notre équipement et de donner à nos stations une publicité sans précédent. Voilà autant que les Jeux eux-mêmes, ceux qui justifiaient cet effort exceptionnel. » Et c'est vrai qu'on a mis les moyens. En quelques années, de nombreux bâtiments vont surgir de terre, les infrastructures sportives évidemment, mais aussi un palais des congrès, un hôpital, un hôtel de ville et même une autoroute et un aéroport. Spécificité de Grenoble, la ville, bien qu'elle soit cernée par des massifs majestueux, cette ville n'est qu'à un peu plus de 200 mètres d'altitude et son espace est assez limité aussi. Les sites olympiques vont être multiples, répartis dans des stations d'altitude de la région. À l'époque, c'est une nouveauté. Le temps passe, les travaux avancent. Est-ce que le rythme est suffisant ? On a quand même de sérieux doutes au moment d'une compétition de ski organisée au début de 1967 à Champs-Rousse, qui se déroule donc dans ce qui est appelé à devenir un site olympique un an plus tard. Et plusieurs délégations étrangères ont une mauvaise surprise à leur arrivée. Les logements qu'on leur avait réservés sont tout simplement inacceptables. Les athlètes sont supposés dormir dans des chambres sans confort, sans aucune intimité. Pour la préparation physique, le moins qu'on puisse dire est qu'il y a mieux. Et tout ça va dégénérer. Plusieurs équipes s'en vont avant avant l'épreuve. Et bien entendu, la presse en fait ses choux gras. Eh bien, ça va être beau. Grenoble l'année prochaine, vous imaginez. C'est un scandale, disent certains journaux. Une pagaille honteuse. Et lorsque le général de Gaulle apprend ça, il tape du poing sur la table. On peut imaginer que les responsables ont passé ce jour-là un mauvais quart d'heure. Paul Zilbertin précise, de Gaulle recommanda aussitôt que tout fut mis en œuvre, quel que soit le coût, au cours des 12 mois à venir pour redorer l'image de la France organisatrice d'un événement planétaire. Et donc, le 6 février 1968, date du début des 10e Jeux Olympiques d'hiver, eh bien, tout est en place, figurez-vous. Tout a été fini à temps. La cérémonie d'ouverture dans l'après-midi se veut grandiose, solennelle et même impressionnante. On va y voir des avions, des hélicoptères traverser le ciel ouvert. N'oubliez pas qu'on est en 1968. Les 37 délégations nationales, 1158 athlètes, défilent sous les hurrahs dans cette arène qui a été construite de toutes pièces. 60 à 70 000 spectateurs survoltés sont là, massés, qui cherchent parmi les sportifs les Français. On les reconnaît de loin, ils sont vêtus de bleu, hein, bien sûr. Et on attend surtout le héros, le skieur Jean-Claude Killy, qui a un air confiant, d'assez bon augure. Les athlètes sont donc en place. Et puis, une voix célèbre entre toutes retentit. Cette voix, vous allez l'entendre. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et la flamme olympique apparaît, transmise à Alain Calma, patineur médaillé lors de la précédente Olympiade. Alain Calma court à petite foulée vers l'immense vasque qu'il est chargé d'embraser au bout du stade. Et pour l'atteindre, il doit gravir un escalier qui a l'air interminable. Et pour ajouter à l'intensité du moment, eh bien, on a retransmis les battements de son cœur. Le plus impressionnant, c'était le silence dans le stade, dira-t-il. Et il nous le dira tout à l'heure, puisque nous allons l'avoir au téléphone. Cette augmentation du rythme cardiaque d'Alain Calma, les spectateurs ne l'entendent pas puisque le son qui est diffusé en vérité est un enregistrement. En tout cas, tout le monde a le souvenir de ce moment assez extraordinaire. On retient son souffle. Ça y est, la grande vasque olympique s'illumine. Le public vibre à travers le monde entier. Les Jeux de Grenoble sont lancés. C'est parti pour 13 jours de grands spectacles. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'aventure des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Les organiser, ces Jeux, a été un véritable défi, défi qui semble relevé au moment de leur ouverture. Oui. On vient de le vivre avec le général de Gaulle qui a proclamé l'ouverture de ces 10e Jeux Olympiques. Mais c'est pas de mémoire, c'est pas la première fois que la France organise des Jeux Olympiques. Non seulement ça n'est pas la première fois, mais la première fois qu'il y a eu une déclinaison hivernale des Jeux Olympiques, c'était en 1924 et c'est Chamonix qui les a accueillis. Alors, vous imaginez bien qu'en 44 ans, les choses ont évolué. Il y avait 16 nations participantes en 24, il y en a 37 en 68, avec 5 fois plus d'athlètes. Autre changement important, les épreuves sont diffusées à la télévision. Et évidemment, ça change tout. On peut même dire, c'est pour la petite histoire de l'audiovisuel, que pour la première fois, on a la télévision en couleur à Grenoble. Donc, il y a très peu de postes en France pour capter cette télécouleur. Mais enfin, néanmoins, les images sont diffusées telles quelles, avec un potentiel publicitaire considérable et qui ravive ô combien le fameux débat sur la dimension professionnelle de certains sports. Bon, alors revenons au sport stricto sensu. Les premiers athlètes à concourir sont les hockeyeurs dès la soirée qui suit la cérémonie d'ouverture et pour beaucoup de Français, assister à des matchs de hockey, disons-le, n'est pas très habituel. Mais ça, c'est aussi la saveur des JO que de s'initier à des sports auxquels, a priori, on n'est pas habitué, bien entendu, hein, avec des règles plus ou moins complexes. Par ailleurs, la compétition de hockey est aussi l'occasion d'un autre grand classique des Olympiades, la transposition sportive d'un conflit politique. En effet, comme le note Claude Francillon, lors de la finale, l'URSS affronte la Tchécoslovaquie, alors qu'au même moment, le printemps de Prague est enclenché. Et là aussi, comme dans la grande histoire, si je puis dire, ce sont les Soviétiques qui vont l'emporter. Au-delà de ces rivalités à enjeu, Grenoble s'impose comme une date dans pas mal de disciplines. Plusieurs athlètes vont y faire sensation. En saut à ski, l'immense tremplin de Saint-Nizier va accueillir des champions incroyables. Il a été construit exprès pour les Jeux, bien entendu. Et c'est le Russe Belousov qui dépasse le seuil symbolique des 100 mètres. Un de ses bonds a été mesuré à 101 mètres 50. En ski de fond, lors du 30 km, un athlète se fait remarquer par sa nationalité puisqu'il est italien, Franco Nonnes. Il coiffe au poteau tous les Scandinaves, pourtant habitués à régner sur ce qui était chez eux la reine des disciplines. Enfin, il faut signaler sur la glace de Grenoble la grâce de l'américaine Peggy Fleming. Patiner a l'air, mais vraiment, de ne lui coûter aucun effort. C'est comme dans la musique que nous entendions tout à l'heure, vous savez. Quant à sa coiffure impeccable, elle reste en place malgré des sauts, des pirouettes, des arabesques en tout genre. Peggy Fleming sera, et ça laisse songeur aujourd'hui, la seule médaille d'or des États-Unis pour ces Jeux de 68. Vous imaginez? Le sport roi de l'Olympiade, et j'ai besoin de vous le dire, c'est le ski alpin, bien entendu. Il faut dire que là, les Français ont bien l'intention de briller puisqu'ils ont Jean-Claude Killy. Sa première épreuve est la descente à Champs-Rousses. Alors, il y a eu un report d'un jour, la course a finalement lieu. Killy porte les espoirs de tout un pays, ça c'est difficile à vivre bien sûr. À cela s'ajoute une erreur qui peut lui coûter cher puisque peu avant le départ, il va abîmer sa couche de phare qui est censée faciliter la glisse. Autrement dit, ce sont peut-être de précieux dixièmes de seconde qui, à cause de cette mauvaise manœuvre, risquent de s'envoler. Il raconte lui-même, Killy, cité par Francillon: « Il fallait donc que je fasse quelque chose que les autres ne pouvaient et ne feraient pas. Skier à mort, du début à la fin. Je ne me laissais pas gagner par le désespoir. Dans la cabane du départ, je fis l'imbécile. Je n'allais quand même pas pleurer. Alors, autant en rajouter un peu. » Malgré tout, au moment de se présenter au sommet de la piste, Killy est prêt. Son départ est incroyable. Et puis, comme il vient de le dire, il prend tous les risques, absolument tous les risques. Il est à près de 120 km sur certaines portions de la descente. Et puis arrive vient l'arrivée splendide devant un public qui est venu là en masse pour le soutenir. Et le verdict tombe, le chrono est superbe, l'or est au bout, juste devant un autre Français, s'il vous plaît, puisque c'est Guy Péria qui est juste derrière. Le triomphe de Killy est tout aussi indiscutable lors du slalom géant quelques jours plus tard. Il distance là tous ses concurrents, dont les dangereux Suisses et Autrichiens, qui sont sans doute très déçus qu'une nouvelle médaille d'or échappe à leur équipe nationale, qui était habituée à les collectionner. Et dès lors, on se demande si Killy pourrait réussir le coup du chapeau en glanant une autre médaille d'or lors du slalom. Alors là, quand même, rien n'est moins sûr. Les Jeux sont en passe de s'achever. Le champion doit rester concentré sur tous ses concurrents. Non, pour certains, pas d'autres courses olympiques dans les jambes. La première manche n'est pas déterminante. Les skieurs de tête sont, on peut dire, dans un mouchoir de poche. Et d'ailleurs, la seconde manche promet d'être extraordinairement passionnante. Et elle l'est effectivement. Malgré la visibilité réduite, les concurrents sont incroyables, impressionnants. Et là encore, la rivalité entre athlètes français et autrichiens est au maximum. Apparemment, pour Killy, le miracle n'est pas au rendez-vous. Sa performance est propre, rapide, mais son temps n'est que le troisième enregistré. Les dés sont jetés à moins d'un coup de théâtre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble. Alors, nous suivons Jean-Claude Killy à ski, qui pour l'instant et troisième, médaille de bronze. Médaille de bronze, bon. C'est en tout cas, les chronos en ont ainsi décidé. Eh oui, mais attention, il apparaît que les deux concurrents qui sont sur la première et la deuxième marche du podium, dont l'Autrichien Karl Schranz d'ailleurs, ont raté plusieurs des portes. Et là, vous savez, il y a des passages obligés, bien entendu. Et donc, il pourrait être disqualifié, vous imaginez, c'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Karl Schranz, qui a affirmé avoir été perturbé par un homme présent sur la piste au demeurant très embrumée, a obtenu de retenter sa chance, mais il aurait raté deux portes avant d'être gêné. Donc, le champion autrichien n'est pas d'accord, lui, évidemment. Il veut se présenter en vainqueur et finalement, au vu de tous les éléments, la décision du jury tombe. les disqualifications qui avaient été initialement prononcées sont bel et bien valides. Donc, Jean-Claude Killy peut accrocher une troisième médaille d'or à son cou. Ça, c'est l'exploit auquel personne n'avait osé rêver, qui ne doit pas d'ailleurs éclipser entre nous les autres succès du ski alpin français à Grenoble. Évidemment, il faut évoquer celui d'un autre phénomène, ouais. Marielle Guatchel, qui remporte l'or en slalom, s'y ajoute encore quatre médailles glanées par des skieurs français. Et donc, à l'heure de la clôture des Jeux, le 18 février 68, la satisfaction est de mise. Le ski alpin fournit l'essentiel des médailles françaises. Sur les 9 remportées par l'équipe nationale, seule une de bronze a été gagnée dans une autre discipline. En l'occurrence, c'est le patineur Patrick Perra qui l'a gagnée. La France s'illustre en terminant 3e des Jeux derrière la Norvège. Bon, on a envie de dire c'est un peu normal quand même. Et l'URSS, bien entendu. Au-delà de ce succès sportif, disons-le, il s'agit d'une réussite nationale et locale. Il y a eu des petites déconvenues. Hein. Par exemple, la piste de bobsleigh qui a été construite à l'Alpe d'Huez, elle a été dans une zone qui est trop souvent ensoleillée, de quoi obliger les athlètes à s'élancer au beau milieu de la nuit pour disposer d'une couche de glace suffisante pour leur descente, sinon tout ça était en train de fondre. Bref, globalement, les Jeux ont tenu leurs promesses, les exploits y ont été nombreux, la France a pu faire la démonstration de son savoir-faire, et pour Grenoble aussi, on peut dire qu'il y aura un avant et un après Jeux Olympiques. Dans leur immense majorité, les équipements réalisés furent reconvertis, raconte Claude Francillon. À la place du village olympique allait surgir un nouveau quartier, l'espace qui avait reçu le stade d'ouverture servit de cadre pour la construction de la ville neuve, un ensemble immobilier de 15 000 habitants. C'est vrai, le coût des Jeux a été élevé, certaines infrastructures étaient peut-être un petit peu inadaptées, elles ont été d'ailleurs depuis complètement délaissées, mais il n'empêche que, qu'on le veuille ou non, pendant 13 jours, Grenoble aura été absolument au centre de l'attention du monde entier. Ces Jeux Olympiques ont été la vitrine des Alpes françaises, ou disons-le, ils ont été la vitrine de la France. Bonjour Jean-Paul Olivier. Bonjour. Merci d'être ici. Le général de Gaulle était content à l'issue des Jeux. Tout s'était passé comme il l'espérait, d'une certaine manière, même un peu mieux. Oui, oui, absolument. Mais il faut dire que le général de Gaulle aimait le sport. Mm-hmm. Et à plusieurs reprises, il s'est prononcé en faveur du sport. Du reste, lorsqu'il est revenu au pouvoir, il a réalisé, créé des lois, programmes pour le sport, nommant d'abord Maurice Herzog au commissaire. Bien sûr. Et il s'étonnait... Et il s'étonnait que les Français ne soient pas davantage médaillés. Et il disait, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vois, par exemple, un Russe, il ne disait pas soviétique, hein, je vois un Russe, un athlète russe, qui gagne, qui remporte des médailles, qui remporte des championnats, et qui est colonel dans l'armée soviétique. Or, il n'a jamais porté d'uniforme. Je vois un universitaire qui est universitaire il y a 25, 27 ans, etc. Et puis qui est donc à l'université, mais qui concourt pour des médailles, pour des championnats, etc. etc. Alors, je ne comprends pas. Alors que Michel Bernard se lève à 6 heures du matin, il va courir, ensuite il va à la mine, Michel Jazy fait de même. Donc, il faut que donner aux athlètes la possibilité de courir davantage et d'en faire leur métier. Et de créer également des infrastructures. Parce qu'on crée, on va créer des conseillers techniques régionaux, des conseillers techniques départementaux, nationaux, on etc. Va on va doubler le nombre de stades. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça prend un essor fantastique. Oui, ça a été vraiment, on peut dire que les années 60, c'est le début quasiment de la civilisation du sport au cœur de laquelle nous vivons là aujourd'hui. Absolument. Je parlais d'une vitrine pour la France. C'est vrai que la publicité d'un événement comme celui-là est colossale. Elle l'est aujourd'hui, et je pense que la Corée du Sud en est parfaitement consciente, bien sûr, mais elle l'était plus encore dans les années 60, à un moment où la variété des programmes proposés notamment par la télévision était infiniment moindre. Le monde entier avait les yeux rivés sur les pistes de ski et sur les patinoires. Oui, ça c'était pour l'extérieur, mais les athlètes n'avaient pas le droit de faire de publicité. Avery Brundage, le président du Comité international olympique, avait demandé donc aux athlètes de ne pas montrer leurs marques. Les marques, oui. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ce genre de choses. Donc pour l'instant, ce n'était pas encore entré dans les mœurs. À quel moment est-ce qu'on a accepté la publicité dans le cadre de manifestations olympiques? Ça a été quand même bien après, ça a été dans les années 80. 80 en fait, oui, 80. C'est ça, donc presque 20 ans plus tard en vérité. Et puis c'était aussi une opération pour Grenoble, parce que à Grenoble on souhaitait les Jeux Olympiques, parce qu'on disait toujours, oui, Grenoble est une ville estudiantine, bien sûr, mais c'est une ville qui devient une ville industrielle. Et de cela, les Grenoblois ne voulaient pas. Ils voulaient qu'on dise Grenoble à la montagne. Et c'est ça qui a aussi motivé leur désir d'organisation des Jeux Olympiques. On s'est rendu compte avec la multiplicité des messages qui arrivent là, de partout, que ces Jeux Olympiques de Grenoble ont laissé une forte image dans la mémoire de nos auditeurs, dans la mémoire des Français, plus que d'autres grandes manifestations sportives qui pourtant... Ça vient d'où d'après vous ? Écoutez, vous savez, je ne sais pas, parce qu'il faut préciser que tout avait été mis en œuvre. C'est vrai, vous parliez tout à l'heure du gouvernement et de l'État qui avait mis un point d'honneur à ce que ce soit bien. Et vous savez qu'à la fin des JO, il y a un journal suisse qui a écrit, un journal qui s'appelle Sport. Il avait dit « Ces Jeux ont été les Jeux de l'amabilité, de la politesse et surtout du sourire ». Et disons que l'organisation a été proche de la perfection. Ça, c'est fantastique. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je souligne, moi, par ailleurs, Jean-Paul Olivier, que vous êtes l'auteur aux éditions Ipanema d'un ouvrage intitulé « De René Coty à Charles de Gaulle, naissance d'une république ». Vous étiez venu nous parler, évidemment, de cette naissance de la Ve République en 1958. On sait, par ailleurs, en dehors de votre infini savoir sportif, à quel point vous vous attachez à l'histoire du général de Gaulle et du gaullisme. Grande période, grandeur gaullienne, finalement, cette inauguration des Jeux Olympiques de 68, juste avant mai 68, qu'il faudrait peut-être pas oublier, quand même. Oui, et il faut préciser aussi que le général, s'il pouvait être présent sur un événement, l'était. En 1960, il était sur le bord de la route, sur la Nationale 19 à Colombey-les-Églises, pour voir passer le Tour de France. Bien sûr. Et il avait tenu à venir aux Jeux Olympiques avec son épouse. Et lorsqu'il y a eu un pluie de roses, il lui a tendu une petite fleur. C'était touchant. Magnifique. Nous allons rester à Grenoble. Nous sommes il y a 50 ans, en 1968. Et ça vous rappelle visiblement beaucoup de souvenirs. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous recevez cet après-midi pour évoquer les JO de 68, Franck, Jean-Paul Olivier, il est journaliste et écrivain. Et nous sommes en ligne avec celui qui a lancé, si je puis dire, ces Jeux Olympiques de 68 en allumant la flamme, le dernier relayeur, c'était Alain Calmat. Bonjour Alain Calmat, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Vous étiez donc celui qui a enflammé l'arène, si je puis dire, en 68. Comment avez-vous été désigné pour être le dernier relayeur de cette flamme olympique ? Eh bien écoutez, il n'y a que deux fédérations qui ont l'honneur d'ouvrir les Jeux, c'est-à-dire les sports de glace et le ski. Pour les Jeux d'hiver, je parle. Et il y a deux événements importants, initiaux, que sont le serment olympique et le match de la flamme. Oui, oui. Ce qui fait que les deux fédérations se sont mises d'accord, et c'est Léo Lacroix qui représentait le ski qui a donc prononcé le serment olympique, oui. Et moi j'ai été désigné pour allumer la flamme. Et vous avez vécu, j'imagine, ce moment, ça doit être plus qu'émouvant. Là, vous aviez la planète entière qui vous observait. Là. Oui, je l'ai surtout bien constaté lorsque j'ai allumé la flamme. Juste au moment de l'allumer, je me suis un petit peu retourné sur le stade et j'ai regardé toute cette foule qui était totalement silencieuse et attentive. Il y avait un peu de soleil couchant et c'était magnifique. Et je me suis arrêté 4-5 secondes que je me suis accordé pour me dire « mais c'est ça l'extase en fait ». Et puis je me suis retourné et j'ai enfin allumé cette flamme. Alors, et là, j'existais plus, c'était la joie, c'était vraiment... Oui, là ça a été la liesse. Mais juste avant ça, les téléspectateurs et les spectateurs qui étaient là dans le stade entendaient battre votre cœur, sauf que c'était des enregistrements, c'était pas votre... C'était pas en direct, oui. Si je puis dire. Hein. Non, je vais vous dire, heureusement d'ailleurs, parce que s'ils avaient entendu mon cœur battre à 180 vers la fin, je pense qu'ils auraient eu peur de me voir tomber tellement c'était rapide. Ça, moi, je peux vous le dire que je l'ai entendu. Et d'autre part, j'étais complètement concentré parce que ce battement du cœur, finalement, avait permis le silence total. Les gens écoutaient, il n'y avait pas de bavardage. Je peux vous dire que c'était un silence sépulcral, presque. Et vous avez suivi ces jeux, mais au sein du corps médical, vous, en fait. Oui, je suis... Alors, moi, j'étais... détaché aux équipes de France de ski alpin comme médecin du contingent parce que je faisais mon service militaire et Honoré Bonnet, qui était le grand chef de toute l'équipe, savait que je faisais mon service et m'avait demandé si je pouvais accompagner mes amis parce que c'était mes copains. Eh bien, oui, on avait fait les jeux ensemble à Innsbruck et je les connaissais bien, donc ça se passait dans une situation qui était quand même intéressante pour tout le monde et particulièrement pour eux, et moi j'étais surtout à Champs-Rousses pour ça. Et lorsque j'ai appris qu'on m'avait désigné, ça a été d'autant plus un moment important. Ça a été très important pour Grenoble, ces jeux. On peut dire que la ville a été transformée à cette occasion. Oui, complètement. Moi, je connaissais déjà Grenoble depuis un certain temps parce que c'est une ville attachée au sport d'hiver, en particulier au patinage. Et j'avais gagné un championnat d'Europe en 1962, donc je connaissais déjà bien Grenoble. Et je sais que ce sont des gens qui sont des sportifs dans l'âme, qui sont des gens qui sont attachés et passionnés avec la montagne et tout ce qui touche au sport d'hiver. Pas seulement d'ailleurs, parce que c'est vraiment une contrée magnifique et des personnes attachantes. Merci beaucoup, Alain Calma, de nous avoir transmis, j'allais dire, votre émotion de 1968. Merci beaucoup. Vous êtes ensuite devenu, ai-je besoin de le rappeler, ministre de la Jeunesse et des Sports, mais nettement plus tard. Est-ce que je voudrais vous dire, je prends une oui, seconde, vous en prie. Nous avons les Jeux Olympiques de Pyeongchang dans oui. peu de temps, et je vais d'ailleurs y aller parce que je suis président de la commission médicale du comité olympique actuellement, et nous revenons le 26 février avec toute l'équipe de France des Jeux Olympiques de Pyeongchang à Grenoble même. Ah voilà, bravo. Et si vous voulez, c'est aussi un hommage que toute l'équipe de France va rendre. Ça sera le 26, je crois qu'il y a une réunion à l'Alpe Expo dans l'après-midi. Et en même temps, le CNOSF organise pour toute la région et pour les Grenoblois des manifestations entre le 10 et le 24 février. Donc le CNOSF n'a pas oublié les Jeux Grenoble, de Grenoble. Loin de là. Je pense maintenant aux Jeux 2024. Merci beaucoup, Alain Calma. Merci. Je vous en prie. Alpe au Expo. Revoir. Au revoir. Alpe Expo dont parle Alain Calma. C'est là que se trouvaient les studios d'Europe 1 à l'époque. Ça a été un événement médiatique considérable, Jean-Paul Elivier. Ça a été considérable. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a eu la TV. Il y a eu, je crois, 111 heures de télévision. Et dont un peu plus de 50 heures de couleurs, de télécouleurs. Donc c'était quand même remarquable. Puis toutes les radios s'y sont mises, etc. On pensait qu'il y aurait des difficultés pour aller sur les sites. Or, il n'y a eu aucune difficulté. La circulation s'est admirablement bien écoulée. C'était vraiment des jeux remarquables. Et puis, ce sont des jeux qui entraient d'une certaine manière dans l'ère actuelle. Je ne dirais même pas moderne, c'est presque post-moderne. On fait des contrôles antidopage, notamment. On s'assure que certaines... Le test de féminité. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'était, expliquez-nous ça, parce qu'à l'époque, c'était un vrai problème, une vraie question. Oui, ben vous savez, je n'étais pas derrière les rideaux, mais effectivement, ça s'est fait. Hein. Vous savez, on a découvert des bizarreries des années plus tard, avec l'histoire de Boitschel qui a été réhabilitée, puisqu'il y avait un skieur, une skieuse qui s'appelait Erika Schneeger, qui est devenue Eric Schneeger. Qui en fait était un skieur, quoi. Oui, ouais. Ça fait, exactement. Oui. C'était Eric qui concourait chez les dames, ce qui permettait évidemment de gagner encore quelques centièmes. Ouais, alors il y a eu ces premiers tests qui étaient quand même des tests un petit peu... C'était un peu balbutiant au départ, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Ouais. Mais en même temps, on était en train de défricher de nouveaux territoires, ça devait être assez passionnant. C'était tout neuf et c'était le progrès. Dans un instant avec vous Jean-Paul Elivier, nous revenons sur la dimension purement sportive, sur les exploits, sur les titres, sur les médailles et sur le comportement de nos équipes françaises lors de ces fameux JO de 1968 à Grenoble. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire des Jeux Olympiques de 1968, c'était à Grenoble, cela va bientôt faire 50 ans, le 6 février. Nous revenons sur cet événement qui a marqué la France et le monde entier avec votre invité Jean-Paul Olivier. Il est journaliste et écrivain. Mais oui, a-t-on besoin de présenter Jean-Paul Olivier ? J'ai sous les yeux le programme de la célébration des 50 ans des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Énorme programme hein, et beaucoup de manifestations, d'expositions, de fêtes, etc. Tout ça va nous emmener jusqu'en juin de l'année prochaine, jusqu'en juin 2018. Et puis, j'ai aussi sous les yeux le Grenoble 1968, les Jeux Olympiques qui ont changé l'Isère, coédité par Glénat et le musée dauphinois et le département de l'Isère. Donc, ça ne passe pas inaperçu, ce 50e anniversaire. Et ce qui est étonnant, c'est que on se rappelle encore, je parlais des trois médailles d'or de Jean-Claude Killy, ça bien entendu, mais on se rappelle d'une façon plus générale les grandes victoires françaises de ces Jeux Olympiques, Jean-Paul Olivier. Oui, parce que vous avez cité la position de la France, qui a tout de même remporté un certain nombre de médailles, et notamment ces quatre médailles d'or, avec évidemment Killy vampirise l'ensemble, puisqu'il a lui-même trois médailles. Hein. et donc, il y a eu également une Marielle Guatchel. Alors, on peut parler des sœurs Guatchel, raconter qui elles étaient quand même. Elles ont joué un rôle très important dans la perception que les Français ont eue du sport féminin quand même. Hein, c'est vrai. Et ça a commencé, bien entendu, à Innsbruck. Innsbruck, où les Guatchel, les deux sœurs Guatchel, ont remporté des médailles, Christine et Marielle. Alors, Christine n'est plus là lors des Jeux Olympiques de Grenoble, mais il y a toujours Marielle. Et Marielle a 22 ans, mais on la traite un peu de vieille. On l'aime pas beaucoup parce que elle a fait des déclarations à l'emporte-pièce. Elle a annoncé son mariage avec Killy. c'était épouvantable. Et puis, donc, elle dit, quand j'aurai une médaille, à ma prochaine médaille, je la partagerai pas avec les gens de Val d'Isère. Ils m'ont tapé dans le dos, etc. Donc, on sent quand même une Marielle un petit peu vieillissante malgré ses 22 ans. Et elle va tout de même remporter une médaille d'or. Elle a fort à faire avec Nancy Green, mais elle apporte quand même à la France une nouvelle médaille d'or. Et en 1967, oui je dis bien, l'année précédente, elle avait remporté la Coupe du Monde de descente et de slalom, il faut dire ça. Et elle était grande favorite quand même du slalom de 58. Et elle a gagné sur Nancy Green avec 29 centièmes d'avance. Ah oui. Voilà. Trois fois rien. Les autres, puisqu'on parle des féminines, bien à 18 ans, Isabelle Mir n'a pas gagné. Elle a été battue par l'Autrichienne prestigieuse, d'ailleurs Olga Pahl. Annie Famos a également brillé, elle a pris des places d'honneur, une deuxième place notamment, deuxième, troisième. Donc elles ont vraiment brillé par leurs exploits et par leur présence. Alors, sur la piste. Nous avons, les Français ont brillé largement au ski alpin. Il faut bien dire que dans d'autres disciplines, ce sont les Norvégiens, les Russes qui se taillent la part du lion. Et n'oublions pas la fameuse Peggy Fleming dont je parlais tout à l'heure, qui a littéralement embrasé la glace, disons-le. Elle était américaine, elle. Et c'est une américaine, oui. Elle rapporte donc, vous l'avez souligné, je crois, la seule médaille américaine de ces Jeux Olympiques. Et Peggy Fleming s'est dit en petite forme. Elle considérait qu'elle n'était pas brillante. Elle n'a pas fait les Jeux qu'elle souhaitait. Mais elle a tout de même rapporté la médaille d'or. Et les Américains ont applaudi. Évidemment. Merci beaucoup Jean-Paul Olivier. Je signale notamment qu'avec Christian Prudhomme, enfin vous avez collaboré à cet ouvrage de Christian Prudhomme sur les coulisses et les secrets du Tour de France. Inutile de vous dire que c'est un ouvrage qui m'intéresse de très près, ça bien entendu. J'espère. Cette collaboration de Jean-Paul Olivier avec Christian Prudhomme, donc le Tour de France coulisses et secrets, c'est édité chez Plon. Et j'ai un autre ouvrage à vous indiquer, c'est Sport, mes héros de légende, édité chez Place des Victoires et signé Nelson Monfort. Nelson Monfort qui est avec nous en ligne. Bonjour Nelson. Bonjour Franck et bonjour à Jean-Paul que je salue également. Merci beaucoup d'être avec nous comme ça par téléphone pour évoquer les futurs Jeux Olympiques, ceux de la Corée du Sud. Là, qu'est-ce qu'on attend notamment côté français ? Vous attendez des médailles pour ces Jeux Olympiques ? Vous savez, vous venez de le dire, quand on sait qu'une Marielle Guachel remporte une médaille d'or avec 29 centièmes de seconde d'avance, vous savez qu'en ski... On ne peut pas trop savoir, hein, bien sûr. Eh oui. Il peut y avoir 5 ou 10 concurrents, donc c'est extrêmement difficile les courses d'un jour. C'est précisément ce qui va faire l'intérêt de ces JO. Quand je vois par exemple Martin Fourcade, le biathlète dont on parle beaucoup en ce moment, sa lutte contre le Norvégien Johannes Bo, voire l'autre Norvégien Emil Svensson, sera absolument passionnante. Qui l'emportera le jour J, c'est extrêmement, extrêmement difficile à dire. Mais pour répondre à votre question, je suis quand même raisonnablement optimiste sur les chances françaises. Et puis peut-être un petit coup de cœur pour le couple de patinage artistique. Eh bien voilà, j'allais dire, je vous attendais au tournant. Oui. Au double accès. Tournant de la patinoire. Oui, là, disons qu'en patinage, il y a aussi des surprises, mais au moins, il n'y a pas un chronomètre au centième de seconde. Il y a les juges, c'est encore autre chose. Oui, il y a des juges avec toute leur subjectivité. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est bon pour les commentateurs, vous me direz. C'est exact. Avec Philippe Candeloro, nous régalons à commenter. Ce couple, quand même, est quadruple champion d'Europe. Ils ont obtenu leur 4e médaille d'or à Moscou il y a 3 jours. Ils sont double champions du monde, donc on va dire qu'ils sont légitimement favoris. Maintenant, encore une fois, c'est également une épreuve d'un jour. Le décalage horaire va avoir des conséquences, j'imagine, parce qu'on est très loin, là. Vous êtes carrément à l'autre bout du monde pour ces Jeux olympiques d'hiver. Oui, j'entendais Jean-Paul qui faisait allusion aux Jeux d'Innsbruck et aux Jeux de Grenoble. Ces deux villes étaient candidates pour 2018. Grenoble, ça aurait en plus tenu la route avec l'anniversaire dont vous venez de parler. Bon, maintenant, les intérêts économiques mondiaux font que ces Jeux sont organisés en Corée du Sud. Donc on les verra quand ou à quelle heure, ça veut dire des rediffusions. C'est-à-dire qu'effectivement, les épreuves majeures des Jeux d'hiver, qu'on peut considérer comme le ski et le patinage, seront diffusées, décalage horaire, décalage horaire pénalisant. À cause du décalage horaire. Quasiment en pleine nuit en Europe, mais Dieu merci, nous allons évidemment rediffuser dans l'après-midi, voire en access prime time à des horaires plus ouverts. Oui, bien sûr, il y aura des rediffusions. Merci beaucoup Nelson de nous avoir donné, j'allais dire, vos pronostics sur ces Jeux Olympiques qui vont se tenir là dans quelques jours maintenant à l'autre bout du monde, en Corée du Sud. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention, Jean-Paul Olivier, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il faudrait qu'on trouve tout de même des athlètes du type Kelly ou du type Guachel, parce que ça est, Kelly, on trouve que ses exploits ont été faciles, mais on ne sait pas un petit peu le travail qu'il y a eu en amont. Hey. Il a été fantastique, il avait des années d'avance sur tout le monde. Il était cadré, il disait après sa première médaille, ce soir comme les autres jours, je vais me coucher à 22h et demain matin je me lèverai à 9h. Tout était fantastique. Alors il avait une sorte de mélancolie ou de placidité même sur le visage, mais il avait un tempérament de feu. C'est curieux parce que on revient d'une façon générale, et c'est normal, on revient toujours à Kelly lorsqu'on parle de 68. Un mot peut-être d'Albertville quand même, hein. Il y a eu ces Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 1992, et qui ont été aussi un beau succès. Ça a été absolument, absolument. Et on se rappelait de Grenoble, mais il faut aussi se rappeler des Jeux Olympiques d'Albertville, parce que le sport français aussi est revenu en force. Et puis ça s'est poursuivi. Pour avoir sur Grenoble une vue quasi panoramique, il faut monter chez le Père Gras. C'est ce que Lorena Martin va nous raconter dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des Jeux Olympiques de Grenoble 1968. Il est temps maintenant d'aller sur place. Et notre guide de haute montagne aujourd'hui, c'est Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Il y a surplombant littéralement Grenoble, une colline à 500 mètres d'altitude, s'appelle la Bastille. Et au sommet du fort de la Bastille, une institution. Oui, chez le Père Gras. Et on s'y rend par la route ou par le téléphérique de Grenoble. C'est ces fameuses rapide, hein, oui. Bulles aux parois translucides qui relient Grenoble au sommet de la Bastille. Mmh. On peut rappeler que ce téléphérique est d'ailleurs l'un des premiers téléphériques urbains au monde, après Rio de Janeiro et Cape Town. Et il date de 1934. Et le restaurant chez le Père Gras est suspendu à flanc de coteau. d'eau, ce qui lui donne cette vue exceptionnelle sur Grenoble et le massif de Belledonne. Et on aperçoit même au fond, le Mont Blanc. Ah ben voilà, c'est ça. Au fond, le côté la italien du Mont Blanc, magnifique. Et au beau jour, ils ont même une terrasse avec des tilleuls centenaires qui est absolument sublime. Et c'est un restaurant gastronomique qui est tenu depuis 1896 de père en fils, qui a plus de 120 ans. Ah, la bravo, même famille. Bravo. Au départ, c'est au milieu du 19e siècle que Marie et Étienne Gras, originaires de Laval, s'installent dans une ferme de la Bastille, sur les coteaux de Grenoble. Et dès 1896, leur fils Hippolyte et son épouse Marie développent l'activité de ferme-auberge parce que leur maison se situe près des cimenteries du Mont-Jala et de la garnison du fort de la Bastille. Et les ouvriers et les militaires qui étaient juste à côté venaient se restaurer à la ferme. Et de ferme, ils sont passés à ferme-auberge, puis restaurant à la troisième génération dans les années 1940. Et ils rachètent aussi les caves du Mont-Raché. Merci beaucoup, Lorena. Jean-Paul, vous vouliez dire un mot ? Je voulais simplement dire que la Bastille a été le théâtre de grandes arrivées, notamment du Dauphiné libéré. Oui. Et Bernard Hinault avait réussi un véritable exploit. Il était tombé dans le col de porte, on l'avait remonté sur la route, il avait repris son vélo et il était arrivé à la Bastille. Ben nous revoilà dans le cyclisme. Je rappelle le Tour de France, coulisses et secrets chez Plon avec, bien sûr, Christian Prudhomme. Grenoble, 1968, les Jeux Olympiques qui ont changé l'Isère, c'est chez Glénat et chez Glénat également de mon compère Alexandre Pasteur, qui nous ramène encore au Tour de France, décidément, d'Alexandre Pasteur, donc skieur de légende, un très bel album publié chez Glénat. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et notre retour aux origines, aujourd'hui, est une tradition. Tradition qui sont bons les vacances. Peut-être que vous préparez votre week-end, Franck. On va oui. parler du camping on voit en que vous France. Vous connaissez bien, hein. De quand date le mot camping, Franck ? De 1903, figurez-vous, le mot camping. Il apparaît dans la presse sportive, dans le journal L'Auto, justement. Et on parle de campement sportif des Anglais. On insiste sur l'origine de la culture britannique d'un mode de vie, en quelque sorte. Les Anglais ont le génie de ces organisations en plein air, peut-on lire dans l'article en question. Depuis longtemps, le goût du camping out, parce que c'est le vrai mot au départ, ouais. et du bivouac lointain a pris dans le Royaume-Uni des proportions considérables. C'est vrai que les Anglais aiment ça tout particulièrement. Alors ça, c'est pour le mot, mais le camping lui-même, il remonte à quand ? Oh ben, en fait, on a campé depuis longtemps, si je puis dire. Au 19e siècle, le camping relève d'une double réaction au progrès technique d'un côté, et puis à ces grandes villes dont l'atmosphère devient de plus en plus polluée. N'oublions pas que même si ce sont des voitures hippomobiles, il y a beaucoup de chevaux, tout ça, ça sent pas très bon. Il y a les usines qui, à l'époque, sont encore dans les banlieues des villes et qui empuantissent l'atmosphère, etc. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, les YMCA, vous savez, les Young Men's Recreational Associations vont développer l'idéal du primitivisme originel à travers des pratiques en milieu naturel. C'est l'influence de ce mouvement sur le camping qui est à noter, c'est l'essentiel même de cette affaire. Les unions chrétiennes de jeunes gens, les UCJG, vont contribuer à l'essor des nouvelles pédagogies anglo-saxonnes, ici, de ce côté-ci, c'est-à-dire en France. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.